L'actualité à Nancy et ailleurs. Ciné-concert d'une guerre l'autre 1914-1945, ce sera le 29 avril au Zénith de Nancy, avec à l'affiche l'orchestre de la garde républicaine et des comédiens de la Comédie française. Pour nous en parler, nous avons au téléphone Serge de Sampigny. Bonjour. Bonjour. Alors c'est à vous que l'on doit donc ce spectacle, ce ciné-concert. Quelle est la genèse de ce rendez-vous que vous proposez le 29 avril au Zénith de Nancy ? Je travaille pour la télévision, je fais des documentaires historiques pour France 5, France 3, Arte. Et on a constaté à la télévision que le public jeune ne nous suivait pas toujours, malgré tous les efforts qu'on fait pour l'intéresser. Et j'en ai conclu qu'il fallait leur parler autrement aux jeunes. Et j'ai créé un spectacle qui ressemble à un ciné-concert, c'est un spectacle vivant en fait, pour raconter l'histoire autrement et en allant directement voir le public sans passer par le petit écran. Et c'est pour ça que c'est un spectacle avec un orchestre très prestigieux qui est l'Orchestre symphonique de la Garde républicaine, des acteurs, de jeunes acteurs de la Comédie française, vous l'avez dit, et qui s'inspire beaucoup de mes documentaires, puisque sur le grand écran de cinéma du Zénith, on va projeter des images d'archives d'il y a 100 ans. L'orchestre de la Garde républicaine, vous savez, cet orchestre qu'on a vu lors de la cérémonie d'ouverture sur le Pont des Arts à Paris, là, des Jeux olympiques, ils étaient en tout petit nombre, là, ils seront 70. Ils vont jouer une musique symphonique imagée, composée pour l'occasion. Et puis les comédiens, une jeune femme et un jeune homme, vont lire des lettres écrites par de jeunes Européens il y a un siècle, entre 1914 et 1945. Voilà, c'est des lettres souvent de couples qui s'écrivent entre eux, mais qui sont écrites par des Français, des Allemands, mais aussi des Espagnols, des Italiens. Et le but, c'est de raconter comment nos arrière-grands-parents ont vécu cette période terrible des deux guerres mondiales, avec ce qu'il y a au milieu, entre deux guerres, et de raconter comment certains ont été tentés par le fascisme quand d'autres voulaient y résister. Voilà, c'est une période difficile, et j'essaie de raconter ça autrement que par les moyens habituels pour moi, c'est-à-dire par l'image, par la musique et par la lecture de lettres. Et ça renvoie vraiment à notre actualité aujourd'hui. Alors, évidemment, je fais pas de l'histoire pour l'histoire. Je fais de l'histoire en ce sens qu'elle nous informe sur notre époque que tout le monde considère comme un peu fragile aujourd'hui. Voilà. Alors, évidemment, on n'en est pas là. C'est pas aussi dangereux qu'il y a un siècle. Faut pas charrier. C'est vrai qu'il y a un siècle, vous aviez les nazis de l'autre côté du Rhin. Vous aviez les fascistes de Mussolini de l'autre côté des Alpes. Vous aviez les franquistes du côté des Pyrénées. Donc, vous imaginez la menace. On se sentait vraiment très menacé. Les gens avaient peur. Là, on n'en est pas là. Les éventuels ennemis sont beaucoup plus loin, c'est plus latent, ça passe par d'autres moyens. Mais c'est vrai qu'on est une période un peu instable, peut-être. Vous savez, je me dis souvent, moi, nos arrière-grands-parents, ou nos grands-parents, pour les plus aînés d'entre nous, qu'est-ce qu'ils se sont dit dans les années 30? Ils devaient se dire, mais où on va là? Est-ce qu'on va à une catastrophe ou pas? Aujourd'hui, on se demande, on se pose un peu cette question. On se dit, mais est-ce qu'on va vers une catastrophe ou bien est-ce que ça va s'arranger? Alors, c'est cette interrogation qui m'intéresse, moi. Le but, c'est de raconter un peu ça avec ce bel orchestre de la garde républicaine que je fais venir à Nancy. Et à travers ces lettres de ces arrière-grands-parents qui, à l'époque, avaient l'âge de jeunes parents. Voilà. Alors, évidemment, on connaît beaucoup ces lettres pour la Première Guerre mondiale, notamment dans votre région qui a été tellement marquée par les guerres, surtout la première, mais aussi la deuxième, bien sûr. Et vous savez, des jeunes hommes, mais ils sont très jeunes de temps en temps. On dit souvent, vous savez, qu'on gagne les guerres avec des jeunes hommes de 18 ans. Mmh. Alors souvent, ils sont sur le front, ils écrivent à leur fiancée, quoi. Ils écrivent aussi à leurs parents, parce que parfois, ils n'ont pas de fiancée. Et puis, leurs fiancés et leurs parents leur répondent. Mais ça se poursuit après, pendant la guerre, parce que pendant la Deuxième Guerre mondiale et pendant les années 30. Moi, mon idée, c'est de ne pas faire une leçon de morale, ni une leçon d'histoire, c'est pas ça. C'est de mettre le public à hauteur d'hommes et de femmes pour essayer de comprendre ce qui s'est passé pour eux. Voilà. Et dans tous les camps. C'est-à-dire dans le camp qui a choisi le fascisme, je vais lire des lettres du jeune Heinrich Himmler qui va devenir à 18 ans, vous voyez, en 1918, qui écrit à sa fiancée ou un peu tout juste un petit peu après. Un peu comme tout le monde, c'est un jeune un peu romantique, en plein trouble. Et puis il va être séduit par le nazisme, il va devenir un des plus grands criminels de tous les temps, de masse. Mais évidemment aussi, je fais lire des lettres du camp opposé, par exemple celle dans votre région un peu plus bas que la Lorraine, Henri Fertet qui écrit la dernière lettre, jeune résistant de 16 ans qui est fusillé au fort de Besançon en 1943, vous voyez, il écrit une très belle lettre. Alors, sous la musique, avec des images comme ça, j'essaye de faire un spectacle poignant, c'est pas à moi de dire si c'est réussi, mais en tout cas j'espère que le public de Nancy appréciera. Vous passez par Nancy, mais vous avez déjà proposé ce ciné-concert ailleurs, notamment à Bordeaux. Oui, en janvier, on était à l'Opéra de Bordeaux, il y a eu 2000 personnes. On a été à l'Opéra de Reims, plus près de vous, en janvier aussi. Pareil, 2000 personnes. On a été dans un zénith comme à Nancy, à Pau, 2500 personnes. Et on avait commencé, il y a 2 ans, notre tournée au Grand Rex à Paris, qui est un des grands cinémas. On crée à Paris, puis là, on tourne et j'espère faire... Je suis en train d'étudier une tournée européenne, mais on n'en est encore pas tout à fait là. Voilà. Et ce spectacle, vous l'avez dit, vous le dessinez aussi aux adolescents, aux jeunes d'aujourd'hui. Donc, quel retour vous avez eu? D'abord, je le dessine à tout le monde. Hein. Oui, bien c'est sûr. Un spectacle grand public. L'idée, c'est un peu que les jeunes viennent avec leurs parents ou leurs grands-parents, vous voyez. Qu'on vienne en famille. Bon, c'est pas toujours ça qui se passe, mais c'est pour tout le monde, véritablement. Je vais beaucoup dans les lycées avant et de temps en temps après, et je leur dis « Bon, c'est pas tout à fait votre musique, quand même. » Et ils nous disent « Oui, mais c'est pas grave. » Et ils sont contents qu'on fasse venir un grand orchestre pour eux. Je crois que ce qu'ils nous disent, c'est que la musique est en adéquation avec les images et les lettres. Ça, ils disent que ça fonctionne bien et qu'on est pris. Moi, je fais pas un cours d'histoire, vous voyez, je suis pas un professeur, j'en ai pas la capacité. Ils font ça très bien, les profs, j'admire beaucoup leur travail. Moi, je fais un spectacle, donc ça passe par l'émotion. Alors, ça veut pas dire qu'il doit y avoir que de l'émotion, ça doit être charpenté, il doit y avoir des dates, des titres. Il faut qu'on comprenne tout le temps où on est dans la chronologie. Et je m'adresse pas du tout qu'au public des gens très instruits en histoire. Je m'adresse à tout le monde et ce spectacle, j'espère, est conçu pour que ceux qui ne connaissent pas très bien l'histoire, mais veulent un peu comprendre ce qui s'est passé quand même, c'est important, ben ils ne soient pas perdus. Voilà. Je trouve que souvent, quand on regarde à la télévision des documentaires, on peut vite décrocher parce que on sait, si on n'a pas les dates en tête, si on n'a pas le cours d'histoire qu'on a eu quand on était jeune en tête, ben, on ne comprend plus très bien. Moi, je suis contre ça, je suis pour le très grand public et je suis pour qu'on ne s'adresse pas qu'aux gens qui ont fait le CAPES d'histoire, voyez, même si c'est fait aussi pour leur plaire, j'espère. Donc voilà, ce spectacle, il invite aussi après au dialogue, au débat entre les différents spectateurs pour que ça aille un peu plus loin, même en classe peut-être aussi. En classe, oui, je fais des ateliers pédagogiques avec les professeurs, avec le rectorat. Il y a 1000 élèves qui viennent au spectacle déjà. De toute la région, c'est assez émouvant pour moi parce que vous voyez, il y a des élèves qui viennent de Saint-Avold, de Toul, de Remiremont. Alors la région les aide à avoir des cars pour venir ce soir du spectacle. Je pense qu'ils vont mêler à ce spectacle une visite de Nancy et de sa merveilleuse place Stanislas, pour ne parler que d'elle. Donc on fait ça avec le rectorat de Nancy même. Et le Pass Culture, même si on a été un peu coupé dans notre élan, parce que le Pass Culture s'est gelé il y a un mois, comme vous le savez, et il y a des classes qui s'étaient inscrites, mais qui n'avaient pas tout à fait eu le temps de confirmer leur présence, qui finalement se sont trouvées exclues. Mais ça, on n'y peut pas grand-chose. Il y a aussi les écoles de la deuxième chance qui participent. Je suis évidemment particulièrement content de ça. Donc le ciné-concert d'une guerre à l'autre, 1914-1945, c'est le 29 avril au Zénith de Nancy. Cette expérience, vous pensez la renouveler? Vous avez parlé de faire peut-être une tournée européenne, pourquoi pas, mais vous avez déjà d'autres thématiques que vous aimeriez mettre en scène à peu près de la même manière? Oui, j'aimerais bien faire quelque chose sur la guerre d'Espagne, parce que vous savez, la guerre d'Espagne, l'année prochaine, en 26, ça sera le 90e anniversaire du début de la guerre d'Espagne. Voilà. Ouais. Et c'est quelque chose qui a été terrible pour cette époque. Donc ça a commencé en 1936, ça a duré 2 ans et demi, et je viens de terminer pour France Télévisions, et ça passera à l'automne prochain, un portrait du général Franco. Et donc j'ai beaucoup d'images en stock et j'aimerais bien raconter cette guerre civile qui a concerné beaucoup de Français, parce que souvent les familles se sont dit qu'est-ce qu'on fait, et puis le gouvernement s'est dit à l'époque qu'est-ce qu'on fait, on intervient ou on défend la démocratie, la République espagnole attaquée par les militaires putschistes comme Franco, ou est-ce que si on défend, est-ce qu'on donne des armes, est-ce qu'on va accélérer la Seconde Guerre mondiale. Vous voyez, là encore, ça rappelle un peu des problématiques d'aujourd'hui, hein, l'Ukraine, etc. Alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que nos grands-parents, arrière-grands-parents ont fait au moment de la guerre d'Espagne? Ça m'intéresse beaucoup. Il y a un livre qu'avait écrit l'écrivain Jean d'Ormesson pour la guerre d'Espagne. Il racontait que dans sa famille, il y avait 2 frères qui étaient partis se battre la guerre d'Espagne. Ils avaient monté jusqu'à la frontière, au haut des Pyrénées. Et en haut de la frontière, ils s'étaient dit au revoir. Il y en a un qui était parti dans le camp républicain et l'autre dans le camp franquiste. Et ils s'étaient fait la guerre après. Alors, c'est des histoires assez poignantes comme ça, qu'il faut aborder aussi à hauteur d'homme, en voyant comment les gens l'ont vécu. Et pas qu'avec des cartes, même s'il faut aussi des cartes, bien sûr. Merci beaucoup Serge de Sampigny, déjà pour ce prochain ciné-concert peut-être à venir, mais déjà celui-ci, une soirée donc unique en images, en musique et en émotions surtout, et cette importance de rappel de l'histoire. Merci beaucoup Serge de Sampigny, je vous laisse peut-être le dernier mot, peut-être le dernier argument bien sûr pour inviter les auditeurs. Non, mais le dernier mot, c'est merci d'en parler, vous voyez, parce que c'est vrai, on a une petite association, on fait venir un grand orchestre, il faut qu'on fasse connaître ce programme. Le Zénith, ça fait 4000 places, on est loin de l'avoir rempli, il y a de la place, alors venez, et puis merci à vous, la radio, de parler de cette initiative. Merci beaucoup Serge de Sampigny, merci. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.